إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous allons parler d'un sujet extrêmement important qui est un sujet souvent exploité par ceux qui attaquent l'islam, qui sont les violences conjugales. Et mon intention dans cette conférence, c'est d'exhorter ces hommes et leur rappeler la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ainsi que les limites de la noble et parfaite législation islamique en ce qui concerne leurs actes, et informer également les femmes de leurs droits en islam et réfuter les accusations et mensonges en ce qui concerne la femme musulmane. Et ces violences, elles sont très présentes chez les koufars. Mais nous allons montrer le point de vue islamique, et que l'islam n'a rien à voir et est innocent de ça, parce que eux, souvent lorsqu'ils parlent de violences qui arrivent chez, par exemple, des Arabes, ils font directement le rapport, c'est un arabe, donc c'est un musulman. Et ça, c'est faux. Et la plupart de ceux chez qui vous trouvez ça sont des alcooliques. Et sont des fois des arabes qui n'ont rien à voir avec l'islam et qui se disent pas du tout musulmans. Et chez les koufars également, parmi les grandes causes de ces violences chez eux, et ça peut aller jusqu'au meurtre, ça peut aller jusqu'au meurtre de leur femme, ça vient de l'alcool. Allah al-Musta'an. L'alcool qui est interdit en islam, et ça tout le monde le sait. Tout musulman et tout kafir est au courant de ça. Et ça, c'est une chose de plus à mettre sur la sagesse de l'interdiction de l'alcool. Donc Allah Azza wa Jal dit « فَذَكَّرْ إِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى » Rappelle, si le rappel profite, celui qui craint se rappellera. Le croyant, il craint Allah Azza wa Jal. Et il craint l'au-delà, l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَذَكَّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ » Et rappelle, car le rappel profite au croyant. Et il dit subhanahu wa ta'ala « وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ » Elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ dit, la vérité est venue, c'est-à-dire l'islam, et le faux, c'est-à-dire la mécréance, ne peut rien commencer ni renouveler. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَى الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Ni les mécréants parmi les gens du livre, ni les associateurs, n'aiment qu'on fasse descendre sur vous un bienfait de la part de votre Seigneur, alors qu'Allah réserve à qui il veut sa miséricorde. Et c'est Allah le détenteur de l'abondance grâce. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Et ainsi, nous éclaircissons les versets afin que s'éclaircisse le chemin des criminels. Et donc le comportement blâmable de certains musulmans ne peut en rien être imputable à l'islam. Et c'est le musulman qui fait un péché, on ne peut pas en aucun cas en accuser l'islam. Et celui qui fait un péché, il demande pardon à Allah Azza wa Jal et il se repent à lui. Et il délaisse. Et ça, ce repentir et ce retour des musulmans, il n'existe pas chez le kafir. Il ne craint pas Allah Azza wa Jal. Et ceux dont la fitra est complètement effacée, il n'a même pas dans le cœur de distinction entre le bien et le mal, dans beaucoup de points. Donc l'islam, c'est la religion parfaite et dictée de la part du Créateur pour ses créatures, les hommes et les djinns. Allah Azza wa Jal dit, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ. Et quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent, c'est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Allah. Dis non, Allah ne commande point la turpitude. Direz-vous sur Allah ce que vous ne savez pas? Dit, mon Seigneur a commandé l'équité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Et Allah azza wa jal dit au sujet du diable, l'ennemi de l'homme, يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les pas du diable, sachez que celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable. Et si ce n'était la grâce d'Allah sur vous, ainsi que sa miséricorde, il n'aurait purifié aucun d'entre vous. Mais Allah purifie qui il veut, et Allah est entendant et savant. L'imam Ibn Kathir, rahmahullah, a dit, si Allah ne pourvoyait pas à qui il veut de se repentir, et ne purifiait pas les âmes de leurs actes de polythéisme, de leur perversité et de leur manigance, et ce qu'elles contiennent comme vil comportement, chacune selon un degré, nul n'aurait fait atteindre à son âme une purification ou un quelconque bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Et que la haine envers des gens ne vous incite pas à être injuste, pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc Allah Azza wa Jal même, envers l'ennemi, il a ordonné l'équité, al-adl, et la justice. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. Et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent. C'est-à-dire que le proche, il ne faut pas être d'accord avec lui, même si c'est la vérité est contre lui. Allah Azza wa Jal a ordonné aux musulmans d'être équitables envers tout le monde. Que ce soit le proche, l'homme de la tribu ou de la famille, de ne pas le soutenir dans le faux, et de ne pas être contre la personne qu'on n'aime pas, ou l'ennemi, lorsque la vérité est avec lui. Allah a cité l'épouse dans son noble livre en tant que signe de lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous viviez avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté, ou de l'amour et de la miséricorde entre vous. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et Ibn Kathir, rahmahullah, a dit, il a créé de vous, c'est-à-dire de votre race. Comme Allah Azza wa Jal a dit de Adam, alayhi salam, هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. C'est lui qui vous a créé d'un seul être, dont il a tiré son épouse pour qu'il vive auprès d'elle, en tranquillité. Ibn Kathir dit, c'est-à-dire pour vivre en intimité avec elle. Yaskuna ilayha. Ibn Kathir a dit également, il n'y a pas d'intimité entre deux plus forte que ce qu'il y a entre les deux époux. De ce fait, Allah a cité que le sorcier tente par tous les moyens, par sa ruse, à séparer les deux époux. Et Cheikh As-Sa'di, rahimahullah, a dit, par l'épouse a lieu la jouissance, la délectation et les bienfaits, par les enfants et leur éducation, et le fait de cohabiter avec elle. Tu ne trouves donc que rarement entre deux ce que tu trouves entre les deux époux comme affection et miséricorde, et comme amour. Et la parole d'Allah, Azza wa Jal, wa min ayatihi, et parmi ces signes, démontre que l'épouse et le fait de vivre avec elle, et ce qu'Allah a placé entre les deux comme bien, tout cela fait partie des signes d'Allah, qui prouve son immense miséricorde, son attention portée à ses serviteurs et son énorme sagesse. Et l'imam Mughbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahmahullah, a dit, comme dans As'ila talibat al-ilm, elles sont comme des captives, et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui t'a assujetti cette femme. Puis il a cité le verset précédent et a dit c'est un signe parmi les signes d'Allah. Il se peut que l'homme soit de l'Est et la femme de l'Ouest, ou l'homme du Yémen et la femme du Cham, et tu trouves entre eux de l'amour. Ceci est un signe parmi les signes d'Allah. Fin de citation. Et parmi ce qui contredit ce pourquoi l'épouse a été créée, est le fait de la frapper en dehors des limites permises par la législation. Et ceci est en soi une sorte de mépris porté à ce signe parmi les signes d'Allah Azza wa Jal. Cette créature faible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifiée de déficiente en raison et en religion, comme dans les deux sahihs d'après Abu Moussa, radiyallahu an. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également qualifié cette créature de cristal, comme le rapporte Al-Bukhari et Muslim d'après Anas ibn Malik, radiyallahu an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage et est venu à certaines de ses femmes, et Ummu Sulaym se trouvait avec elle. Ummu Sulaym qui est la mère de Anas. Il dit, Waihak, ya anjasha, ruwaydaka sawqan bil qawarir. Malheur à toi, Anjasha, qui était le nom de l'esclave qui faisait avancer les femmes sur leur monture, sois doux en avançant avec les cristaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé donc ces femmes cristaux, car elles ressemblent au verre dans la délicatesse, la finesse et la faiblesse dans la constitution. Le verre se casse facilement et n'accepte pas la force. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné le bien envers les femmes et a expliqué sa nature originelle comme rapporté dans les deux sahih d'après Abu Huraira, radiyallahu an, en disant « Istawsou bin nisa'i khayra, fa inna al-mar'ata khuliqat min dila, wa inna a'waja shay'in fi dila'i a'la'h, fa in dhahabta tuqimuhu kasarta, wa in taraktahu lam yazal a'waj, fa istawsou bin nisa'i khayra. » Recommandez-vous le bien envers les femmes, car la femme a été créée d'une côte. Et la partie la plus tordue de la côte est la partie la plus haute. Si tu veux la redresser, tu la casses. Et si tu la laisses, elle ne cesse d'être tordue. Recommandez-vous donc le bien envers les femmes. An-Nawawi, rahimahullah, a dit, At-Tibi, a dit, rahimahullah, c'est-à-dire faites-vous des recommandations à vous-même quant à leurs droits. Ou recherchez-en de la part des autres, comme pour celui qui visite un malade à qui il est recommandé de l'inciter à écrire son testament. Et les recommandations envers les femmes sont plus en droit du fait de leur faiblesse et leurs besoins envers quelqu'un qui s'occupe d'elles. Et il a été dit que le sens est « Acceptez ma recommandation envers elles, appliquez-la, soyez doux envers elles et soyez de bonne compagnie. » Fin de citation. Et la base de l'ordre est d'indiquer l'obligation. Ainsi, il est obligatoire de se faire ses recommandations entre hommes, au sujet des femmes. Et l'imam al-Shawkani, rahimahullah, a dit dans Nail al-Awtar « Ce qui ressort dans la ressemblance de la femme avec la côte est de porter l'accent sur le fait qu'elle a des comportements tordus qui ne seront jamais droits. Celui donc qui tente de la charger de comportements droits la pervertira, et celui qui la délaisse sur ce sur quoi elle est, comme tortuosité, profitera d'elle, de la même façon que la côte tordue se brise lorsqu'on veut la rendre droite et faire disparaître sa tortuosité. Et lorsque l'homme la laisse sur ce sur quoi elle est, il profite d'elle. Et ce qu'il veut dire par sa parole, et la partie la plus tordue de la côte et la partie la plus haute, est de montrer l'impossibilité de redresser la partie la plus haute. Et il a été dit, c'est pour montrer la partie la plus haute de la femme, qui est sa tête, qui contient sa langue, et c'est de là que naît la tortuosité. Fin de citation. Et l'imam Ibn Baz, rahimahullah, a dit, il incombe donc au mari de supporter et de patienter, ne pas être dur et ne pas énumérer ses fautes. Il doit être magnanime, avec un excellent comportement, sage, supportant. Il ne doit pas punir pour toute faute, grande ou petite. Il doit conseiller, exhorter et rappeler. Fin de citation. Et il se peut que certains hommes cherchent l'excellence et la perfection chez leurs épouses, alors qu'ils ne sont pas parfaits eux-mêmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que l'excellence fut atteinte par de nombreux hommes, et parmi les femmes, seules quelques-unes l'ont atteinte. Comme rapporté dans les deux sahih d'après Abu Moussa, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ إِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ التَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ. De nombreux hommes ont atteint l'excellence, et parmi les femmes, seules l'ont atteinte Asiya, la femme de Pharaon, et Maryam bint Imran. Et le mérite de Aïcha sur les femmes est comme le mérite du Tarid sur les autres nourritures, qui était une nourriture préférée par les Arabes, faite de pain et de viande. Et l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, a dit, حدثنا أبو بكر بن زنجوي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. Donc d'après Anas, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, il te suffit comme femme de l'univers مريم بنت عمران et خديجة بنت خويلد, la première épouse du prophète صلى الله عليه وسلم, فاطمة بنت محمد, sa fille, et Asiya, la femme de Pharaon. Et la chaîne est authentique. Et l'auteur de Tuhfatul Ahwadi, qui est le commentaire de Sunan al-Tirmidhi, a dit, comme femmes de l'univers, c'est-à-dire qui sont parvenues au degré des excellents que l'on prend comme modèle et dont on cite les vertus, les qualités, l'ascétisme dans l'ici-bas et leur empressement vers l'au-delà. Donc elles ont atteint la perfection pour les êtres humains. Et dans les deux sahir, d'après Aïcha radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à sa fille Fatima, أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ N'agrées-tu pas d'être la maîtresse des femmes des gens du paradis ou des femmes des croyants? Ceci est la version d'Al-Bukhari. Donc voici les vertus de ces nobles femmes que nulle femme n'atteindra après elles. Et elles n'en restent pas moins des femmes. Ceci est pour ces femmes, alors que l'homme n'attende pas de sa femme une chose qu'elle n'atteindra pas. Et Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Sahl ibn Sa'd que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint chez Fatima un jour et lui demanda « Aïna ibn Ammik, où est ton cousin ?» Donc Ali ibn Abi Talib, son mari. Elle répondit « Il y avait quelque chose entre lui et moi et il me mit en colère. Alors il sortit et n'a pas fait sa sieste auprès de moi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya alors quelqu'un le chercher. Il le trouva endormi au masjid. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint et se mit à enlever de lui la poussière en disant « Qum Aba Turab, Qum Aba Turab. Lève-toi Aba Turab, lève-toi Aba Turab. » Turab, c'est la poussière. Comme il avait de la poussière sur lui, il l'a appelé père de la poussière. Donc les femmes, à avoir atteint l'excellence, ont été très peu. au contraire des hommes. Et les prophètes qui sont les plus excellents des êtres humains sont tous des hommes. Et il n'y a pas de prophète chez les femmes. Et l'injustice, qui est le fait de placer une chose dans une place qui ne lui sied pas, sera ténèbre le jour du jugement, comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté dans les deux sahihs d'après Ibn Omar. Inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. L'injustice sera ténèbre le jour de la résurrection. Et qu'il sache que lui-même c'est un être humain, et que elle c'est un être humain. Et que le diable ne lui insuffle pas des choses impossibles, afin qu'il soit injuste envers elle. Et Allah Azzawajal ne lâche pas l'injuste lorsqu'il le prend. Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Abu Musa, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idha akhadahu lam yuflit. » Allah laisse le temps à l'injuste, jusqu'à lorsqu'il le prend, il ne le lâche pas. Puis il récita, « وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ وَلِيمٌ شَدِيدٌ » Et ainsi est la prise de ton Seigneur lorsqu'il prend les cités alors qu'elles sont injustes, et sa prise est douloureuse et dure. Subhanahu wa ta'ala. Du fait de la faiblesse de la femme dans sa raison, sa religion et sa constitution, il incombe à l'homme d'être caractérisé par des nobles comportements parmi lesquels la patience, la douceur, la bonne compagnie, la compréhension et la sagesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit, comme rapporté d'après Abu Huraira, radiyallahu an, innama bu'ithu liutammima salih al-akhlaq. Je n'étais envoyé que pour parfaire les nobles comportements. Et lorsque Abu Dhar envoya son frère à Mecca pour se renseigner au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier lui dit, ra'aytu ya'muru bimakarim al-akhlaq. Je l'ai vu ordonner les nobles comportements. Muttafaqun alayh. Et lorsque Hiraql, le roi des Romains, interrogea Abu Sufyan sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui demanda, que vous ordonne-t-il? Il répondit, yaqulu ubudullaha wahda wa la tushriku bihi shay'a wa turku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-salati waz-zakati was-sidq wal-'afaf was-silah. Il dit, adorez Allah seul et ne lui associez rien, et délaissez ce que disaient vos ancêtres, et il nous ordonne la salat, la zakat, la véracité, la chasteté et de tenir les liens de parenté. Muttafaqun alayh. Et dans cela, Nabi Daoud, d'après Abu Darda, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ma min shay'in athqalu fil mizani min husni al-khuluq. » Il n'y a rien de plus lourd dans la balance qui pèsera les actes, le jour du jugement des croyants, il n'y a rien de plus lourd dans la balance que les bons comportements. Authentifié par Cheikh Al-Albani et Cheikh Mourbil, alayhima rahmatullah. Et Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma, qui a dit, لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا. Le prophète n'était pas vulgaire sallallahu alayhi wa sallam, et il disait, ceux qui ont les meilleurs comportements comptent parmi les meilleurs d'entre vous. Et dans une version d'Al-Bukhari, ان من احبكم الي احسنكم اخلاقا. Parmi ceux d'entre vous que j'aime le plus sont ceux qui ont les meilleurs comportements. Donc recherche, ya Abdallah, l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui qui aime Allah, et dont l'amour découle des actes de piété. Et le sens sous-entendu du hadith est que ceux qu'il déteste le plus sont ceux qui ont les pires comportements. Et Al-Bukhari rapporte également d'après Anas qu'il a dit, « Lam yakunin nabiyu sallallahu alayhi wa sallam sababan wala fahashan wala la'ana. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'insultait pas, ni n'était vulgaire, ni ne maudissait. Il incombe donc aux musulmans d'avoir un bon comportement envers tous, en prenant en exemple le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au sujet duquel Allah azza wa jalla a dit, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah katira. Il y a certes pour vous dans le messager d'Allah un excellent modèle pour ceux qui espèrent en Allah et au jour dernier et rappellent Allah fréquemment. Et il a dit, wa innaka la ala khuluqin azim, et tu es certes doté de nobles comportements. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. C'est-à-dire les sahabas. Il était doux envers les croyants et envers ses compagnons. Et Allah Azza wa Jal a loué ça, cette douceur. Et Allah Azza wa Jal dit à Moussa, alayhi salam, en l'envoyant à Pharaon, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Puis parlez-lui gentiment, peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Donc Allah Azza wa Jal leur ordonna de parler gentiment à son ennemi Pharaon, alayhi la'natullah. Et toi tu ne peux pas le faire pour ta femme muslima. Et dans les deux sahihs d'après Aïcha, radiyallahu anha, qu'un groupe de juifs entrèrent chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dirent « Assalamu alayk, que la mort soit sur toi » en copiant « Assalam ». « Assalamu alayk », ils disent « Assam ». Donc ça se ressemble légèrement dans le terme, mais le sens, bien évidemment, change tout. Il y a juste une lame, une lettre en moins, et ça change tout. Aïcha leur répondit « Alaykum assam wa la'na », que sur vous soit la mort et la malédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Mahalan ya Aïcha, fa inna Allah yuhibbu al-rifq fil amri kulli ». Doucement Aïcha, Allah aime la douceur en toutes choses. Elle dit « Ô messager d'Allah, n'as-tu pas entendu ce qu'ils ont dit ?» Il répondit « Faqad qultu wa alaykum ». J'ai certes dit « sur vous aussi ». C'est-à-dire il a renvoyé sur eux sans utiliser leurs termes. Sallallahu alayhi wa sallam. Voici donc le comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec les juifs l'insultant. Que dire donc du comportement à avoir avec son épouse? L'imam Abu Ya'la rapporte d'après Aïcha, radiyallahu anha, qu'elle a dit « j'ai apporté une khazira » et dans une version une harira que j'avais préparée. Et je dis à Saouda, radiyallahu anha, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était entre moi et elle, « mange ». Elle refusa. Et dans une version, elle dit « Je n'ai pas envie et je ne mangerai pas ». Je dis « Tu vas manger ou j'enduirai ton visage ». Elle refusa. Alors je mis ma main dans la khazira et en enduit son visage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit pleinement. Il prit de sa main et tendit à Saouda en lui disant, souriant, « Enduis son visage ». Et dans une version, elle en prit dans sa main et en enduit mon visage. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit la voix de Omar et nous dit « Quma farsila wujuhakuma fa inna Omara dakhil ». Levez-vous et lavez vos visages car Omar va rentrer. Aïcha dit, je n'ai cessé d'avoir de la crainte révérentielle envers Omar depuis que je vis ceci du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Rapporté par Cheikh Mourbil dans Sahih al-Musnad et il a dit, c'est un hadith bon. On prend de ce hadith la bonne compagnie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, envers ses épouses, sa justice, sa bonne humeur et le fait qu'il n'a pas crié ni ne s'est énervé. Également, on peut citer le mérite de la douceur, qu'on a déjà abordé précédemment. Muslim rapporte dans son Sahih d'après Aïcha, radiyallahu anha, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Ya Aïcha, inna Allah rafiq, yuhibbu al-rifq wa yu'ti ala al-rifq ma la yu'ti ala al-unf, wa ma la yu'ti ala ma siwa. » Aïcha, Allah est doux et aime la douceur, et il donne à la douceur ce qu'il ne donne pas à la dureté ni à rien d'autre. Parmi les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, al-rafiq, le doux. Et il rapporte également d'après elle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَ. La douceur n'est pas dans une chose sans l'embellir et n'est pas retirée d'une chose sans l'enlaidir. Donc la base en toute chose, c'est la douceur. Ça, c'est la base. Et il rapporte également d'après Jarir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, مَنْ حُرِمَ الْرِفْقَ حُرِمَ الْخَيْرِ. Quiconque n'a pas de douceur n'a pas de bien. Alors utilise la douceur autant que possible envers ton épouse et rappelle-toi de ses nobles paroles, car Allah Azza wa Jalla en sortira des fruits par sa permission. Et nous allons citer le verset que certains prennent comme argument, et nous allons l'expliquer, bi-idhnillah, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن واحجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux, avec la permission d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes haut et grand. Donc les hommes ont autorité sur les femmes, Al-Barawi rahmahullah a dit, c'est-à-dire qu'ils ont l'autorité pour les éduquer. Et le qawwam et le qayyim ont le même sens, et le qawwam, donc qui est dans la ayah, qawwamun, est plus éloquent, et c'est celui qui s'occupe de gérer et d'éduquer. Fin de citation. Et Allah Azzawajal dit, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles, et Allah est puissant et sage. L'imam al-Sa'di, rahimahullah, a dit, c'est-à-dire qu'ils ont autorité sur elles en leur imposant les droits d'Allah comme préservation de ses obligations et le fait de les empêcher de causer du mal. Les hommes doivent leur imposer ça. Ils ont également le dessus sur elles du fait qu'ils dépensent pour elles. Les vêtissent et les logent. Puis Allah, Azza wa Jal, a cité la cause nécessitant le fait que les hommes prennent soin des femmes en disant « Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim » en raison des faveurs qu'Allah accorde à cela sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. C'est-à-dire à cause du mérite des hommes sur les femmes et de leur faveur envers elles. La précédence des hommes sur les femmes est sur plusieurs points, du fait que le commandement est spécifique aux hommes, ainsi que la prophétie et le message d'Allah, et leur spécificité concernant un grand nombre d'adorations comme le djihad, les fêtes, le vendredi, et ceux dont Allah leur a rendu spécifique comme raison, retenue ou sagesse, patience et la robustesse que les femmes ne possèdent pas. Il les a également chargés spécifiquement de donner des pensions aux épouses et même d'autres frais. Et il se peut que ce soit le secret de sa parole, wabima anfaqu, de ce qu'ils dépensent, sans citer le complément d'objet, afin de montrer la généralité des dépenses. Donc ça indique la généralité de tout ce qu'ils dépensent, quelles que soient les dépenses. On sait par là que l'homme est pour sa femme comme un dirigeant et un chef, et elle est auprès de lui comme une captive et une domestique. Son rôle est donc de veiller sur ceux dont Allah lui a donné la charge. Et son rôle, à elle, est d'obéir à son Seigneur et d'obéir à son mari. De ce fait, il a dit, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٍ. Les femmes vertueuses sont obéissantes, c'est-à-dire à Allah. حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ. Et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux. C'est-à-dire obéissantes à leurs époux même en leur absence. Elles préservent son mari en elle-même et dans les biens de celui-ci. Et ceci par la préservation d'Allah et le fait qu'il leur accorde cela, non que ça vienne de leurs âmes, car l'âme ordonne beaucoup le mal. Mais celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit dans ce qui le concerne de ses affaires religieuses et de l'ici-bas. Puis il a dit, وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, c'est-à-dire qu'elles sortent de la désobéissance au mari par les paroles ou les actes, alors il l'éduque en commençant par le plus simple. فَعِدُوهُنَّ. Exhortez-les. C'est-à-dire en lui éclaircissant le jugement d'Allah en ce qui concerne l'obéissance au mari, et l'incitation à lui obéir et à ne pas lui désobéir. Si donc elle s'arrête, c'est ce qui est recherché, et si elle persiste, alors le mari la délaisse dans le lit, en n'ayant pas de rapport avec elle le temps que cela la fasse revenir. Et si elle persiste encore, alors il la tape d'un coup non violent. L'imam al-Shafi'i rahimahullah a dit, ce qui prévaut est de ne pas la frapper, même avec la désobéissance. Ce qui prévaut, c'est-à-dire, la chose la plus recommandée, c'est que même ça, de ne pas la frapper. Si donc le but est atteint avec l'une de ces choses, et qu'elle vous obéisse, فَلَا تَبْرُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Alors ne cherchez plus de voie contre elle. C'est-à-dire que ce que vous aimez ces produits, alors délaissez les reproches envers elle sur ce qui s'est passé auparavant et la recherche des défauts qui causent du tort lorsqu'ils sont cités. Et un coup non violent, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans le hadith de Jabir, dans Sahih Muslim, sur Hajjat al-Wada', le pèlerinage de l'adieu. Lorsqu'il a dit « فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْتِئْنَ فُرُوجَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. Craignez Allah au sujet des femmes, car Allah vous les a confiées et vous les avez prises, et vous êtes rendu licite leur sexe par la parole d'Allah. Vous avez comme droit sur elles qu'elles ne fassent rentrer personne chez vous que vous détestez. Si elles le font, frappez-les d'un coup non violent. C'est-à-dire, si elles font rentrer chez vous quelqu'un que vous ne voulez pas, homme ou femme, ou même mahram, et qu'elle le sait, alors c'est permis pour l'éduquer. Et donc, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ici « coup non violent », c'est ce qui est voulu dans la ayah. Et la sunna explique le Qur'an. « Inna Allah kana aliyan kabira » Allah est haut et grand. Fin de citation de la parole de Cheikh al-Sa'di, rahimahullah. Et l'imam al-Kathir, rahimahullah, a dit « An-nushuz, c'est l'élévation. La femme nashiz, donc an-nushuz qui est cité dans le verset. La femme nashiz est celle qui s'élève au-dessus de son mari, qui délaisse son ordre, qui se détourne de lui, qui le déteste. Lorsque les signes du nushuz apparaissent au mari, qu'il l'exhorte et lui fasse peur en lui citant le châtiment d'Allah découlant de la désobéissance. Car Allah a rendu obligatoire le droit du mari sur elle et qu'elle lui obéisse et lui a interdit de lui désobéir, de par le mérite qu'il a sur elle et ce qu'il lui accorde. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a certes dit « لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » min idami haqqihi 'alayha. Si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant quelqu'un, j'ordonnerais à la femme de se prosterner devant son mari de par l'immense droit qu'il a sur elle, rapporté par Al-Bukhari, d'après Abu Huraira, rapporté par At-Tirmidhi, et jugé bon par Cheikh Moghbil. Et également, j'ajoute que ce qui est voulu par l'obéissance au mari, c'est dans ce qui n'est pas désobéissance à Allah, Zawajal, bien sûr. Si le mari ordonne une chose à la femme qui est une désobéissance à Allah, Zawajal, et qui n'est pas permise, alors la femme a l'obligation de lui désobéir. Elle ne doit pas lui obéir en ça. Par rapport au hadith dans les deux sahih d'après Ali ibn Abi Talib, radiyallahu an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Il n'y a pas d'obéissance dans la désobéissance à Allah, mais l'obéissance est seulement dans ce qui est convenable. Et Ibn Kathir, rahimahullah, a également cité le hadith muttafaqun alayh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi, fa'abat alayh, la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih. Lorsque l'homme appelle sa femme au lit et qu'elle refuse, les anges la maudissent jusqu'au matin. Et ça, ça concerne bien sûr la femme qui n'a pas d'excuse. Si elle a une excuse comme être malade ou autre, elle ne rentre pas dans ce hadith. Ibn Battal, rahimahullah, a dit, ils ont dit, Allah a interdit de causer du tort aux croyants et aux croyantes sans qu'ils n'aient rien fait. De la même façon, les frapper sans qu'elles n'aient rien fait est interdit. Et l'avis correct est qu'il n'est permis à personne de frapper quelqu'un ni de lui causer du tort, si ce n'est lorsque la vérité l'appuie, de par la parole d'Allah Azza wa Jal, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Et ceux qui causent du tort aux croyants et aux croyantes, sans qu'ils n'aient rien fait, ils s'est certes chargé d'un mensonge et d'un péché évident. Que ce soit le mari qui frappe sa femme, ou le maître qui frappe son esclave, ou le père qui frappe son fils, car Allah a permis à cela de frapper de façon convenable lorsque cela est positif. C'est-à-dire que la base, c'est l'interdiction. Et quant au fait de frapper violemment, alors ça c'est clairement interdit en islam de façon générale. Et encore plus, le visage, comme on va le voir, inshallah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a-t-il frappé une de ses femmes? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle, qu'Allah azza wa jalla a envoyé comme miséricorde pour l'univers, et qui a les meilleurs comportements, qu'Allah agrée, il n'a jamais frappé une de ses femmes, ni rien, ni personne. Aïcha rapporte, radiallahu anha, en disant, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais rien frappé de sa main, ni une femme, ni un serviteur, sauf lorsqu'il combattait dans le sentier d'Allah. Et nul n'a jamais subi de lui le moindre tort, et il ne s'est jamais vengé pour lui-même, sauf si une chose des interdits d'Allah était bafouée, alors il se vengeait pour Allah. Et c'est rapporté par un muslim. Et d'après Ibn Mas'ud, radiallahu an, qu'il a dit, c'est comme si je revoyais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, citer un des prophètes, salawatullah wa salamu alayhim, que son peuple avait frappé et dont le sang avait coulé. Et il essuyait le sang de son visage en disant, Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. Muttafaqun alayh. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais touché les mères des croyants. Et également, le fort n'est pas celui qui frappe. Comme rapporté dans les deux sahih d'après Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Laysa shadidu bis sura'a. Innama shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres. Mais le fort est celui qui se retient lorsqu'il est en colère. Et Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah dit dans le commentaire de Riyad al-Salihin, ceci est la vraie force, la force intérieure par laquelle l'être humain l'emporte sur le diable. Car c'est le diable qui place cette braise dans ton cœur pour que tu t'énerves. Ce hadith incite donc à se maîtriser lors de la colère et qu'il ne se laisse pas aller car il le regrette ensuite. C'est souvent que la personne s'énerve et divorce sa femme et il se peut que ce soit le dernier divorce ou qu'il cause la perte de ses biens en les brûlant ou les cassant et il se peut qu'il frappe son épouse d'un coup fort. Wallah al-musta'an. Donc tout ça c'est causé par cette colère. Donc le fort c'est celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Ça c'est le fort. Le croyant fort. Et le croyant fort, il est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le faible. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de juger sous l'effet de la colère. Et il a dit, لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. Qu'aucun juge ne juge entre deux en étant en colère. Muttafaqun alayh d'après Abu Bakr, radiallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme lui a dit, conseille-moi. Et il lui a dit, لا تغضب, ne te mets pas en colère. Et il lui a demandé plusieurs fois, et il disait à chaque fois, « La tardab », comme rapporté par Al-Bukhari d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu. Et dans la version d'Ahmed, que l'homme a dit, « J'ai médité sur la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est alors que je constatais que la colère rassemble tous les maux. » Et le sens de « ne te mets pas en colère » est de s'écarter des causes qui amènent à la colère. Et lorsque la personne est en colère, de faire tout pour se calmer. Et parmi ces choses, pour se calmer, ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris, un jour, deux hommes se sont insultés à côté de lui, et l'un des deux est devenu rouge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. Je connais une parole, s'il la disait, ce qu'il a le quitterait, c'est-à-dire la colère. S'il disait, je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable lapidé, sa colère le quitterait. Et il a été dit à cet homme, n'as-tu pas entendu ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit? Et il a dit, est-ce que je suis fou? Muttafaqun alayhi d'après Sulayman ibn Surad, radiyallahu anhu. Donc la colère amène à des choses qui ne sont pas louables. Et ça peut aller jusqu'à la perte de la raison. La colère forte. Et la personne peut dire des choses énormes. Et même des paroles de mécréance. Allah musta'an. Donc la personne qui dit cette parole, A'udhu billahi minash shaitan rajim, qu'il s'assoie, qu'il se calme, qu'il se taise, et qu'il essaye de parler de façon raisonnable. Et Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, lorsque il s'est disputé avec Fatima, il a quitté la maison. Également on cite que l'islam a appelé à être de bonne compagnie avec son épouse. Allah azawajal dit, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Et comportez-vous convenablement vers elle, ou vivez convenablement avec elle. Si vous avez de l'aversion envers elle, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. L'imam As-Sa'di, rahimahullah, a dit, ceci englobe la compagnie dans les actes et les paroles. Il incombe donc au mari de vivre convenablement avec sa femme en étant de bonne compagnie, en ne lui causant pas de tort et en agissant d'une bonne manière. Et ceci comprend les dépenses, le fait de la vêtir et autres, ce qui est obligatoire au mari, selon ce qui est convenable à cette époque et en ce lieu, et ceci diffère selon les situations. Fin de citation. Allah Azzawajal dit, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles, et Allah est puissant et sage. Donc comme elles ont des obligations, elles ont également des droits. Et les droits, il est obligatoire de les respecter. Également, on peut citer qu'il arrive inévitablement que la femme énerve son mari. Et il se peut que le diable insuffle à l'homme que sa femme est la plus mauvaise qui existe, alors que lui ne mérite pas ce comportement de sa part. Et il est rapporté dans les deux Sahihs d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que Omar a dit, « Nous étions nos Quraysh, un peuple qui avait le dessus sur leurs femmes. Et lorsque nous vînmes chez les Ansar, nous trouvâmes des gens sur qui les femmes avaient le dessus. Nos femmes se mirent à prendre le comportement des femmes des Ansar. Un jour, je criai sur ma femme et elle me répondit. Je blâmais le fait qu'elle me réponde. Et elle me dit, « Et pourquoi t'étonnes-tu que je réponde ?» Par Allah, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondent. Et il se peut que l'une d'elles le boycotte toute la journée jusqu'à la nuit. Elle m'effraya. Et le hadith est long. Parmi les fawaïd de ce hadith concernant notre sujet, c'est le fait qu'il arrive que la femme dise à son mari des paroles qu'il n'aime pas. Et ceci a émané des meilleures femmes de cette communauté et de nos mères pieuses et purifiées. Alors que dire de celles qui ont un degré moindre qu'elles auprès d'Allah? Aucun doute que ceci fait partie de la nature de la femme qui a été créée d'une côte tordue. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La yafrak mu'minun mu'mina, in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. » Qu'aucun croyant ne déteste une croyante, s'il déteste d'elle un comportement, il en agréera un autre. Rapporté par Muslim d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu. Donc que l'homme ne se focalise pas sur les défauts, mais qu'il regarde plutôt les qualités. Le fait que nos mères bien-aimées ont eu ce comportement avec le meilleur des êtres humains, le plus aimé d'Allah, et celui qui a le plus haut degré au paradis, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a les comportements les plus nobles en tout. Alors que dire de la femme qui a un mari moins complet et noble que lui? C'est-à-dire toutes les autres femmes de la communauté. Et Allah azawajal dit dans son noble livre, « Ya ayyuhalladhina amanu, inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum fahdharuhum, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafurun rahim. » Ô vous qui croyez, vous avez parmi vos épouses et vos enfants un ennemi, alors prenez-y garde. Et si vous les excusez, passez sur leurs fautes et leur pardonnez, Allah est pardonneur et miséricordieux. Le min, dans la ayah, indique qu'une partie d'entre eux sont comme un ennemi pour l'homme. Et Al-Qurtubi a affirmé dans son tafsir que la ayah englobe également les femmes pour lesquelles certains maris et enfants sont des ennemis. Également, la ayah englobe tout péché que la personne commet à cause de sa conjointe ou de son enfant. L'imam As-Sa'di, rahimahullah, a dit, ceci est une mise en garde de la part d'Allah pour les croyants. De ne pas se laisser leurrer par les épouses et les enfants, car certains sont pour vous des ennemis. Et l'ennemi est celui qui te veut du mal. Ta tâche est donc de prendre garde de ceux qui sont caractérisés ainsi, alors que l'âme aime naturellement les épouses et les enfants. Et du fait que l'interdiction et la mise en garde dans le fait d'obéir aux épouses et aux enfants dans ce qui contient un mal, pour le serviteur, pouvait amener à la dureté et le blâme envers eux, Allah ordonna de passer sur leur faute et de leur pardonner. Car ceci contient comme bénéfice ce qui n'est pas possible d'énumérer. Il dit, وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Mais si vous les excusez, passez sur leur faute et leur pardonnez, Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc Allah Azzawajal, après avoir cité le fait de prendre garde à eux de ce qu'ils peuvent contenir comme caractéristique des ennemis, il a cité le fait de les excuser pour ne pas justement que ça amène à la dureté des cœurs. Ceci car la récompense, il dit ensuite Cheikh Sardi, ceci car la récompense est de la même sorte que l'acte. Donc quiconque s'excuse, Allah l'excuse, et quiconque passe sur une faute, Allah passe sur les siennes. Et quiconque pardonne, Allah le pardonne. Et quiconque agit envers Allah dans ce qu'il aime, et agit envers ses créatures comme ils aiment, en ce qui leur est bénéfique, il attend l'amour d'Allah et celle de ses serviteurs. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était-il chez lui? Al-Aswad dit, j'ai demandé à Aïcha, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait chez lui? Elle dit, il était au service de sa famille. Et lorsque la salah était annoncée, alors il sortait à la salah. Donc regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait dans sa maison, comme elle a été interrogée à Aïcha. Il était au service de sa famille. Subhanallah. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est abstenu de ses femmes pendant un mois. Ça on appelle al-ila, jusqu'au point où les musulmans pensaient qu'ils les avaient divorcés. Allah azawajal dit au sujet de ce jugement, لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّسُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Pour ceux qui font le serment de se priver de leur femme, donc c'est un serment, il y a un délai d'attente de 4 mois. Donc ça c'est permis, au maximum 4 mois. Et s'ils reviennent de leur serment, celui-ci sera annulé, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Donc le terme en arabe, fa'in fa'ou, c'est-à-dire si ils ont un rapport. Donc ça, ils peuvent faire le serment de se priver de leur femme lorsque elles ont un mauvais comportement. Et ensuite, ils doivent choisir entre le fait de les garder ou de les divorcer, pour ne pas être injuste. Et ceci est une immense sagesse de notre législation purifiée, afin d'améliorer ce qui peut l'être au sein du couple et de faire méditer chacun, et de ne pas recourir justement au coup. Également le fait de ne pas considérer les femmes. Ça fait partie des caractéristiques de l'époque pré-islamique, de la jahiliya. Donc Omar ibn al-Khattab a dit, nous considérions que les femmes n'étaient rien lors de l'époque de l'ignorance. Puis lorsque vint l'islam et qu'Allah les mentionna, nous vîmes alors qu'elles avaient un droit sur nous, si ce n'est que nous ne les rentrions aucunement dans nos affaires. Donc là, ils ont changé en les considérant. Et qu'Allah Azzawajal les a cités dans son livre et a cité des règles par rapport à elles et des règles qui leur sont propres, comme les règles des menstrues et des lochis, ou les règles entre les hommes et les femmes. Et donc, il dit, nous vîmes qu'elles avaient un droit sur nous. Allah Azzawajal dit dans son noble livre, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance, si ce n'est que nous ne les rentrions aucunement dans nos affaires, c'est-à-dire les affaires de direction et autres qui sont spécifiques aux hommes. Les femmes n'ont aucune part là-dedans. Ainsi, celui qui ne connaît dans ses liens avec sa femme que la violence, la dureté, les cris, les coups et les rapports sexuels, ressemble aux Arabes de l'époque pré-islamique. Comportement qu'ils ont délaissé avec l'islam, Alhamdulillah, ladhi hadana, lidinihi al-kamil. Et également, le fait que les meilleurs des musulmans sont les meilleurs d'entre eux envers leurs femmes. At-Tirmidhi rapporte d'après Aïcha, radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, khayrukum khayrukum li ahli, wa ana khayrukum li ahli. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs envers leur famille, et je suis le meilleur d'entre vous envers ma famille. Authentifié par Cheikh Al-Albani, Cheikh Mourbil. C'est-à-dire envers ses femmes, ses enfants et ses proches. Et ceci indique la force de caractère dont doit faire preuve l'homme face à sa femme. Et c'est ainsi qu'il honore la perfection de sa raison face à la raison de la femme. Et s'il n'est pas bon envers elle, en l'éduquant, la gérant et en lui pardonnant, il ne se montre pas digne de ce dont Allah l'a comblé et de ce qu'il lui a confié. Et le bonheur familial et l'épanouissement au sein du couple ne pourra avoir lieu. Ainsi, cet effort quotidien, lorsqu'il est bien réalisé, montre le mérite de l'homme sur autre que lui. Et ceci démontre également qu'on ne connaît véritablement le comportement de l'homme que lorsqu'il se marie, par son comportement envers sa femme. Ceci car il est courant de voir du bon comportement de la part des hommes, les uns envers les autres. Mais lorsque certains rentrent chez eux, les visages se crispent, les sourires disparaissent, les tons durcissent, et il se peut que les coups pleuvent. Wallah al-musta'an. Ceci car les diables déploient toutes leurs ruses pour séparer l'homme de son épouse, et ceci commence par séparer les cœurs en s'attaquant à l'amour et la miséricorde qu'Allah y a placé pour le conjoint. Comme rapporté par Muslim d'après Jabir, radiyallahu an, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna iblis yada'u arshahu ala al-ma, thumma yab'athu sarayahu fa adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitna. Yaji'u ahaduhum fa yaqulu fa'altu kada wa kada, fa yaqulu ma sana'ta shay'a, qala thumma yaji'u ahaduhum fa yaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu baynahu wa bayna imra'atihi, qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma ant. Iblis place son trône sur l'eau, puis il envoie ses troupes. le plus rapproché de lui est celui dont la fitna est la pire, dont les troubles sont les pires. L'un d'eux vient et dit, j'ai fait ceci et cela. Et il lui répond, tu n'as rien fait. Puis un vient et dit, je ne l'ai pas laissé jusqu'à ce que je sépare entre lui et sa femme. Il le rapproche alors de lui et lui dit, comme tu es bon. L'imam al-Munawi dit, en parlant du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers ses épouses, il dit dans Faïd al-Qadir, il était le meilleur des gens dans sa compagnie, au point qu'il envoyait des filles, des ansar à Aïcha, radiallahu anha, afin qu'elle joue avec elle. Et lorsqu'elle offrait quelque chose qui ne contenait rien d'interdit, il la suivait en cela. Et lorsqu'elle buvait, il buvait à l'endroit où elle avait posé ses lèvres, Aïcha. Et il l'embrassait alors qu'il jeûnait. Et il lui fit voir les habits saints qui jouaient dans le masjid. Elle était appuyée sur son épaule. Et il fit la course avec elle en voyage deux fois. Elle le battit une fois, puis il la battit en disant, celle-ci est pour l'autre. Et dans Sahih que ses femmes lui répondaient, et il arrivait que l'une d'elles le boycotte la journée jusqu'à la nuit. Abu Daoud rapporte d'après Muawiyah al-Qushayri, radiallahu anhu, qu'il a dit, ô messager d'Allah, quel est le droit de l'épouse de l'un de nous sur lui? Il répondit, an tut'imaha idha ta'imt, wa taksuwaha idha ktasayt, wa la tadrib al-wajh, wa la tuqabbih, wa la tahjur illa fil bayt. Que tu la nourrisses lorsque tu te nourris, que tu la vêtisses lorsque tu te vêtis, que tu ne frappes pas le visage et ne lui dises pas qu'Allah t'en les dise, et que tu ne la boycottes que dans la maison. Jugé bon par Charles Mourbil. Donc ça, comme on a vu, le fait de frapper autre que ce qu'Allah Azzawajal a cité dans le noble verset après l'exhortation et le fait de se séparer d'elle dans les lits, le fait de la frapper autre que ce qu'a cité le prophète Sassam en disant un coup non violent, c'est-à-dire la frapper violemment ou la frapper au visage, comme c'est cité dans ce hadith, c'est clairement interdit, globalement et généralement. Et Muslim rapporte d'après Abu Mas'ud al-Ansari, radiallahu anhu, qui a dit, j'ai frappé un domestique que je possédais et j'entendis derrière moi une voix disant, « I'alam Abu Mas'ud, l'Allahu aqdaru alayka minka alay. » Sache Abu Mas'ud, qu'Allah a plus de pouvoir sur toi que toi sur lui. Je me retournai et je constatais que c'était le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Je dis, ô messager d'Allah, il est libre pour le visage d'Allah. Il dit, « Ama law lam taf'al, la la fahat kannar, aw la masat kannar. » Si tu ne l'avais pas fait, l'enfer t'aurait touché. Subhanallah. Et dans une version qu'Abu Mas'ud a dit, je ne frapperai plus jamais d'esclaves. An-Nawawi, rahimahullah, a dit, dans ce hadith, il y a l'incitation à être doux envers l'esclave et l'exhortation à pardonner et à refouler sa colère et le fait de juger comme Allah le fait sur ses serviteurs. Fin de citation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé Abu Mas'ud pour avoir frappé un esclave. Que dire alors de frapper en dehors des limites permises son épouse, une femme libre et musulmane? Et Al-Bukhari, rahimahullah, rapporte dans son Sahih d'après Abdullah ibn Zam'a, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. Que l'un de vous ne fouette pas sa femme comme un esclave, puis un rapport avec elle à la fin de la journée. Et dans une version à la fin de la nuit. Ibn Hajar rahimahullah a dit, et le hadith indique qu'il est impensable pour la personne de raison de faire ces deux choses, qu'il frappe exagérément sa femme, puis un rapport avec elle durant cette journée ou cette nuit. Et les rapports sont vus d'une bonne façon lorsque l'homme penche vers eux et en a envie. Et la personne fouettée fuit celui qui l'a fouetté la plupart des cas. Le hadith fait ainsi allusion au blâme de cela, et que si cela est inévitable, il faut que la punition soit par un coup léger, qui ne cause pas de répulsion complète, il ne convient donc pas qu'il exagère dans les coups et la punition. Fin de citation. Donc, Muslim rapporte de Muawiyah ibn al-Hakam, qu'il avait une esclave qui gardait ses moutons vers Uhud et al-Jawaniyah. Je m'aperçus un jour que le loup avait pris une brebis, et je suis un être humain, je m'énerve comme eux, alors je l'ai giflé. Je vins au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il me blâma fortement pour cela. Je dis, ô messager d'Allah, est-ce que je la libère? Il répondit, i'tini biha, ramène-la. Je vins avec elle et il lui demanda, aïna Allah, où est Allah? Il répondit, au ciel. Il dit, man ana, qui suis-je? Elle dit, tu es le messager d'Allah. Il me dit alors, a'tiqaha fa innaha mu'mina, libère-la car elle est croyante. Donc pour avoir giflé cette esclave, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait libérer. Donc que dire encore une fois de l'épouse? Et il est rapporté qu'une femme vint se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam du fait que son mari l'avait giflé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jugea par le qisas. C'est-à-dire que si lui l'a giflé, alors elle qu'elle le gifle. Puis descendit la parole d'Allah azzawajal, ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd. Les hommes ont autorité sur les femmes de ce qu'Allah les a préférés les uns sur les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaissa le qisas. Mais ce hadith est mursal, c'est-à-dire faible, car al-Hasan rapporte directement l'histoire. Et l'imam al-Albani, rahimahullah, dit dans Adab al-Zifaf, je conseille aux époux que chacun d'entre eux s'attache à appliquer ce qu'Allah lui a imposé comme obligation et droit vis-à-vis de l'autre. Ainsi, la femme ne doit pas demander, par exemple, d'être l'égale de l'homme, dans l'ensemble de ses droits et l'homme ne doit pas utiliser ce par quoi Allah l'a favorisé sur elle comme commandement pour lui faire des injustices et la frapper sans aucun droit. Car Allah Azza wa Jal a certes dit « وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » Elles ont des droits comme des obligations dans le convenable et les hommes ont un degré sur elles et Allah est puissant et sage. Le Jawzi, rahimahullah, rapporte dans son livre « Adab al-Hassan al-Basri » qu'il a été dit qu'un homme demanda conseil à al-Hassan en disant « Abba Saïd, j'ai une fille que j'aime et des hommes préoccupés par l'ici-bas l'ont demandé en mariage. À qui la marie-je ? » Il dit « Marie-la à un pieux. S'il l'aime, il l'honorera. Et s'il la déteste, il ne lui fera pas d'injustice. » L'imam Ibn Baz, rahimahullah, dit après avoir cité le hadith précédent « Le meilleur d'entre vous est le meilleur envers sa famille et je suis le meilleur d'entre vous envers ma famille. » Il dit « Ressemble donc, mon frère, à ton messager dans la patience et la magnanimité et les nobles comportements avec sa famille. Tu passes sur certaines fautes et ne les comptes pas. Et tu laisses même passer de nombreuses fautes qui ne te causent pas de tort. Mais tu fais des efforts pour qu'elle obéisse à Allah et soit droite dans la religion d'Allah. Tu es assidu sur elle pour qu'elle soit pieuse, une croyante droite sur la religion d'Allah. Quant à sa négligence concernant tes droits, laisse passer de façon convenable, sans dureté, et tu seras énormément récompensé, et tu loueras les conséquences. Il se peut qu'elle se rende compte et se remette en question et revienne de sa négligence à cause de ta magnanimité, ta bonté et tes bonnes actions et paroles. Qu'Allah accorde à tous le succès. » Fin de citation. Il a également dit « Quand elle a frappé en suivant ses passions, ou à cause de la colère alors qu'elle n'a rien fait, ce n'est pas permis et c'est une mauvaise relation, alors qu'Allah Azza wa Jal dit « وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » Vivez avec elle de façon convenable. » Fin de citation. Et certains hommes sont durs envers leurs femmes et lui font des reproches à la moindre occasion et la frappent à la moindre occasion. Allah al-Musta'an. S'il y a une poussière, ou que c'est pas propre tel endroit de la maison, ou que telle chose n'est pas repassée, ou que telle chose n'est pas rangée, ou que le repas n'est pas prêt, wallah al-musta'an. Et ce genre de choses superflues, elles viennent à cause du fait que ces gens ont grandi en Occident, wallah al-musta'an. Et ces hommes devraient regarder dans la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des sahaba, comment ils vivaient, la simplicité dans laquelle ils vivaient, et également que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons vu, était au service de sa famille. Et la femme, c'est en apprenant sa religion qu'elle s'améliorera. C'est pas en la frappant en dehors des limites de la législation pour n'importe quelle cause. Et certains hommes frappent même leur femme sans aucune raison. Tout ce qu'elle fait c'est bien, mais ils la frappent. Et ceux-là ce sont les pires. Wallah al-musta'an, nasallallahu an yuslihahum. Et malheureusement sur certaines femmes, il en résulte un mépris de sa propre personne. La femme se met à se mépriser elle-même. Et c'est pire encore lorsque cela est fait devant des enfants, car ça met des mauvaises choses dans les cœurs des enfants, comme mépris envers soit le père, soit la mère. Et il se peut même que certaines femmes voient que les coups qu'elles subissent, ils sont tout à fait légitimes. Wallah al-musta'an. Donc on a éclairci ça pour ne pas que le diable embellisse certaines actions. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.